Sommaire, page 2. Sommaire, hiver 2015. Page 3. Actualité, journal audio. Page 4. Ma ville en images. Page 6. Artisans et commerçants. Dossier. Page 7. Une ville commerçante. En action. Page 14. Conseil municipal d'enfants, CME. Actualité. Page 16. Amende. Page 17, histoire de. Page 18, libre expression. Page 19, agenda. Le magazine de la ville, semestriel d'information de la ville de Château-Gontier-Bazouges, 23 place de la République, 53200 Château-Gontier-Bazouges, téléphone 02 43 09 55 55. Directeur de la publication Philippe Henry, conception et mise en page agence 23e homme, rédacteur en chef Jean-Marc Mulon, rédaction Ville de Château-Gontier-Bazouges, photo Ville de Château-Gontier-Bazouges Pascal Plessis, impression Imprimerie Faguier, papier recyclé. Enregistrement audio réalisé par les donneurs de voix bénévoles Marie-Françoise, Joël, Anne et Michel de la bibliothèque sonore de Segré.